on est rendu au verset 9. Cette semaine, j'ai lu, j'ai reçu par email des différents diaporamas de différentes personnes, chrétiennes, non chrétiennes, sur l'amour, l'amour des mères, l'amour de ci, l'amour de... En tout cas, c'était à la fête des mères, donc j'ai reçu ça. Et je lisais ça, je lisais ce qu'on me disait, je dis, « Oh, que c'est donc beau sur papier, oh, que c'est donc beau sur papier. » Et si je demandais à tout le monde à l'église dimanche matin, quels sont ceux qui ont eu une mère comme ça, il y en a peut-être très peu qui diraient, « Moi, j'ai eu une mère comme ça. » Mais c'est beau sur papier. Mais la réalité, elle, ça fait, vous êtes tous, vous êtes, je vous regarde là, puis on est pas mal tous dans 40 ans et plus. Et on se fait dire qu'on devait s'aimer les uns les autres, aimer les autres, aimer les autres. Ma mère répétait, aime tes petits frères, aime tes petites sœurs, aime donc ci, aime donc. Hein, on se les fait dire des milliers de fois. Pourquoi qu'on me le répétait souvent, vous pensez? Parce qu'on ne le faisait pas. Ma mère me disait à chaque fois qu'elle me disait, c'est parce que j'étais en train de ne pas le faire. N'est-ce pas? Si j'aurais été en train de le faire, elle ne m'aurait pas dit, aime donc ton petit frère. Elle a dit, bien, il aime les gens, mais je ne le faisais pas. Donc, aime donc ton petit frère, aime donc ta petite soeur. Et on nous chante l'amour par les oreilles, dans les oreilles, partout, à la télévision, à la radio. On nous chante l'amour et les gens sont en mal d'amour. La musique est contemporaine. Hein? Quand vous écoutez la musique, ça reflète notre société. Et n'importe qui arrivait d'une autre planète, qui écoutait la musique d'aujourd'hui, il dirait, voici une génération en mal d'amour. En mal d'amour. Pourtant, tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être aimé. Mais tout le monde est en manque d'amour, quelque part. L'important, c'est que ce que j'aimerais aujourd'hui dire à ma mère, si elle serait encore vivante, c'est « Maman, ne me dis pas d'aimer. Dis-moi donc comment faire pour aimer. Dis-moi donc comment faire. Comment se peut... Où est-ce que je vais chercher ça, l'amour? Si tu me dis, va chercher, François, du pain, mais je vais aller à la boulangerie. Ça, je sais où aller chercher ça. Si je vais aller, je voulais m'acheter un lustre cette semaine, une lumière, je suis allé chez Golden Tire, je savais qu'il y en avait là. Où est-ce qu'on va chercher l'amour? Est-ce qu'on l'a inné? Est-ce qu'on vient au monde avec ça? Je dirais non. On ne vient pas au monde avec ça, sans ça, on la vivrait. On ne vient pas au monde avec ça. Où est-ce qu'on va la chercher? Comment est-ce qu'on peut aimer les autres? La seule façon, comprenez bien ça, vous allez aimer avec la même quantité et la même force que vous vous sentez aimé. Si vous ne croyez pas, méditez un petit peu cette semaine là-dessus. Vous allez aimer à la même force que vous sentez aimer. Pourquoi on a de la misère à s'aimer les uns les autres? C'est parce qu'on ne se sent pas aimé des autres. Donc, on ne les aime pas beaucoup non plus. C'est un échange. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Notre société, l'amour, c'est un échange. Tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes plus, je ne t'aime plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Combien de gens se sont fait dire dans leur vie, « Je ne t'aime plus. » plus. Pourquoi, là? Pourquoi, si tu lui demanderais pourquoi? Pourquoi tu m'aimes plus? Je ne suis pas mal certain s'il serait honnête, il dirait, parce que tu m'aimes plus! C'est ça qu'il dirait. Parce que tu m'aimes plus! Donc, c'est un échange. L'amour, c'est un échange. Je t'aime, je t'aime pas, je t'aime plus. Tu fais pas ça, je t'aime pas. Tu viens pas me voir, je t'aime pas, tu me donnes pas. L'amour, c'est comme ça aujourd'hui. Mais si on veut aimer, le grand commandement de Dieu, c'est? Non. Dieu est intelligent, il est sage, il est pas mal wise. Qu'est-ce qu'il dit le premier? Le plus grand? Aime ton Dieu. Et le second qui lui est semblable, qui va venir après, c'est aime ton prochain. Bon, hein, il faut commencer à bonne place. Si j'aime Dieu, je vais pouvoir aimer ma femme. Ou si j'aime Dieu, je vais pouvoir aimer mon mari et mes enfants. Mais je dois aimer Dieu en premier et l'autre va suivre. Automatiquement. Sans aucun autre apport, si j'aime Dieu, je vais aimer les gens autour de moi. Là, on va reculer encore d'un pas. Là, je viens de reculer d'un pas. Si je n'aime pas ma femme, c'est parce que je... Il faut que j'aime Dieu avant. Il faut que j'aime Dieu. Puis là, mais comment je vais faire pour aimer Dieu à cette heure? Il faut reculer d'un pas puis lui dire à lui, « Aime-moi afin que je puisse t'aimer. » Aime-moi et je vais aimer toi, ma femme, mes enfants, mon voisin, tout ça. Plus je me sens aimé de Dieu, plus je vais aimer, premièrement Dieu, ensuite les autres. Mais si vous ne vous sentez pas aimé de Dieu, vous ne pourrez jamais aimer qui que ce soit. Êtes-vous d'accord? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, à cause des grandes compassions de Dieu, à cause que Dieu vous a tant aimé, il nous dit d'aimer. C'est la réaction normale. Donc, si vous voulez aimer, vous devez vous sentir aimé de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé ces petits messages-là. Les compassions de Dieu vont produire en moi de la passion. De la passion. De la passion. Ou vous pourrez dire de l'amour, ça c'est la même chose. Et on a vu ensemble, et si on avait le temps de lire, David. David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. David dit qu'il, à plusieurs reprises qu'il aimait Dieu. Vous savez pourquoi? David dit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans les psaumes, « À cause de tes grandes compassions pour moi, je t'aime. » David comprenait les compassions de Dieu pour lui. La compassion, donnez-moi un synonyme de compassion. Si je dis, je vais avoir compassion de cet homme-là. Pitié, c'est le mot que je voulais entendre. Ah, il avait eu de la pitié. Qu'est-ce que, quand, le mot compassion, mais ça, il est plus beau que le mot pitié. Si je dis, j'ai de la compassion pour toi, Joanne, ou si je dis, j'ai de la pitié pour toi, ça c'est, ben j'aime mieux le mot compassion. Hein? On aimerait mieux ça, hein? Ça sonne mieux dans nos oreilles. Savez-vous que c'est le même mot dans le grec? C'est la même affaire. Quand Dieu dit, j'ai pitié de toi, François, ou que j'ai compassion de toi, François, c'est la même vérité. Il y a pas, c'est le même mot. Il n'y a pas de nuance. C'est la même chose. Savez-vous pourquoi il y a pitié? Quand on a pitié de quelqu'un, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai pitié de toi. Oui, oui. Mais pourquoi qu'on a pitié de la personne? Elle a un manque à ma personne. Elle a mal pris la personne. On va avoir pitié de quelqu'un couché sur le bord du trottoir. On va avoir pitié de quelqu'un qui est dans un accident. On va avoir pitié de quelqu'un qui est malade. On va avoir pitié parce que la personne en a un besoin. On a pitié de elle et on va essayer de rencontrer le besoin. Dieu dit, j'ai des compassions. C'est-à-dire que l'homme, Dieu regarde l'homme, l'être humain, puis il dit, oh, que j'ai pitié d'eux autres. Ils ont un grand besoin. Et j'ai pitié d'eux autres. Tu sais, le bon samaritain, il a exercé de la pitié, de la compassion pour le gars qui était malade à terre, qui a été frappé par les autres. Les deux premiers n'avaient pas de pitié, pas de compassion. Et Jésus lui dit, moi j'ai eu de la compassion, je suis ému de compassion pour toi, François. Quand je t'ai regardé du haut de mon ciel, dans l'avenir, dans l'histoire de l'humanité, parce que lui, le temps n'existe pas, quand il me voyait au présent, puis il m'a regardé et dit, oh j'ai pitié de toi, mon François, je vais faire de quoi pour toi? J'aime ça quand Dieu me dit ça. J'aime bien ça. Je me sens bien. Je me sens très bien. J'aurai pitié de toi. Mais c'est humiliant pour l'homme quand on dit qu'on a pitié de lui. C'est parce qu'il est en manque. Il est en manque. L'homme n'aime pas ça qu'on ait pitié de lui. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'on manque de quelque chose. On est mal pris. On pourra s'en sortir tout seul. Une fois, j'avais dit ça à quelqu'un, j'avais pitié de lui. La personne a répondu quoi, vous pensez? J'en veux pas de ta pitié! J'en veux pas de ta pitié! Parce que c'est là, tu es en train de me dire que je ne peux pas m'en sortir moi-même? Tu es en train de me dire que je suis mal pris? Voyez où l'orgueil a dit, non, j'en veux pas de ta pitié! Et l'être humain, c'est pour ça qu'il dit non au salut. Dieu va se retourner et dire, je vais avoir pitié de toi, je vais te sauver. J'en veux pas de ta pitié, je vais gagner mon ciel. Moi-même, je suis capable. Vous, on refuse la pitié de Dieu. On refuse la compassion de Dieu. J'en veux pas de ta pitié. Je vais me débrouiller tout seul. J'ai écouté un film hier soir. La madame a dit dans le film, elle a dit, tu peux t'en aller. Elle a dit à son mari, elle a dit, tu peux y aller. Elle a dit, je suis une Texane, je suis capable de m'en sortir tout seul, pas besoin de toi, mon âme. J'étais en même. Pas besoin de ton aide, je suis capable de m'en sortir tout seul. Les compassions de Dieu. Si on veut aimer Dieu, mes frères, il faut comprendre ses compassions pour nous. Il faut comprendre sa pitié pour nous. Il faut comprendre comment il nous a aimés. Plus on va comprendre ça. Tout à l'heure, quand Lucie allait lire un livre, elle a lu son livre, j'ai envie de dire la même chose. Je ne suis pas d'accord avec ce bout de phrase-là, Lucie, je ne suis pas d'accord. Quand elle a dit, l'amour, ce n'est pas des doctrines. Doctrine. J'ai envie de dire, s'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'amour. Bon, juste l'amour humain. Juste l'amour humain. Pour pouvoir aimer, il faut que j'aie premièrement entendu les doctrines, les vérités de Dieu. Il faut que je les aie entendues, il faut que je les aie compris, et là, je vais pouvoir aimer. L'amour sans doctrine, c'est de l'amour humain, simplement, de l'amour charnel. L'amour égocentrique. Il y a un homme un jour qui m'a appelé, un pasteur qui m'a appelé. François, il dit, laisse tomber les différences doctrinales, il faut s'aimer en premier. J'ai répondu à cet homme-là, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Jésus est venu nous emmener la vérité. Qu'on sache l'amour de Dieu, qu'on comprenne l'amour de Dieu et qu'on puisse l'aimer. On a vu que les compassions de Dieu vont produire trois passions. La première passion qu'on a vue, c'était quoi? Une passion pour Dieu lui-même. On va être des passionnés de Dieu. Si vous me côtoyez le moindrement, vous pourrez savoir facilement que je n'ai aucune passion pour le hockey. Je ne regarde jamais le hockey, ou presque jamais. Quelques minutes dans l'année. J'aime pas le hockey. J'ai pas de passion pour ça. J'aime pas ça. Je regarde pas. Mais vous pourriez savoir d'autres passions que j'ai. Vous en connaissez une passion que j'ai, c'est quoi? Faire du vélo, tout le monde le sait. Que j'aime faire du vélo. J'ai commencé déjà, même quand il faisait froid, je mettais mes pantalons, mes gants, puis j'allais faire du vélo. J'ai une passion. Puis là, je suis en train de acheter une maison, puis j'ai dit, il faut que je décore une pièce de véloman. Pour un homme qui fait du vélo. Mettre un bicycle sur le mur. Mon frère, quand on va décorer une pièce, tout le monde va rentrer dans la pièce, on va dire, ah, il y a gars là, il y a le vélo. J'aime le vélo. J'ai une passion. Ma femme ne me pousse pas à y aller. Ma femme ne me dit pas d'y aller. Des fois, elle me dit de ne pas y aller. Mais elle n'a pas besoin de me dire, j'ai une passion. J'aime ça. Ça me détend. J'en profite, j'ai de la joie. J'aime le faire du vélo. C'est pas le vélo, c'est juste j'aime faire une activité. Et cette activité-là, j'aime ça. J'ai une passion. Mais si on comprend les compassions de Dieu pour nous, on va avoir une passion, premièrement, pour Dieu. Les passionnés de Dieu. Deuxièmement, on a vu que on va avoir une passion pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et cette première chose qu'on a vue dans le verset 3 jusqu'au verset 8, c'est qu'on va exercer notre passion en mettant au service des autres nos dons, nos talents, nos capacités. C'est une façon de montrer ma passion pour toi. Si je pense chez toi et tu as un besoin, ou j'entends ce que tu as un besoin et je vais avoir une passion, ça veut dire que je vais aller vers la personne pour rencontrer le besoin. Elle n'a pas besoin de se mettre à genoux, elle n'a pas besoin de me supplier, elle n'a pas besoin de pleurer, elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de gueuler. J'ai une passion parce que je veux faire quelque chose pour toi. Je veux rencontrer ton besoin. Ça peut être un besoin monétaire, physique, matériel, spirituel, émotionnel. Je vais rencontrer ton besoin. J'ai une passion. Pas besoin d'être poussé pour ça. Une passion pour l'Église. Es-tu un homme, une femme, qui, si on te rencontre, si on te connaît, si on va voir tes voisins, tes amis, est-ce qu'ils vont nous dire que tu es un passionné pour le peuple de Dieu? Une fois, ma sœur, voulant me faire du tort, avait dit à son entourage, « Ce gars-là, il a juste deux choses dans sa vie, son Église et sa famille. » C'est comme ça qu'on me regardait. Il y a juste deux choses dans sa vie, son Église et sa famille. J'étais un passionné pour l'Église et j'étais un passionné pour ma famille. Tout mon temps était dépensé entre ces deux choses-là. Toute ma vie, tout mon argent, tout mon temps était divisé en deux choses, mon Église et ma famille. Pas toujours dans le bon équilibre, mais c'était les deux choses. Est-ce qu'on est des passionnés du peuple de Dieu? C'est important, hein? Nous avons besoin de comprendre qu'on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier Dieu du peuple de Dieu. C'est impossible, hein? Les versets qui suivent nous disent ceci. 1 Jean 4:20. Qui veut lire ça? Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez qu'il marque ici, « Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer tes frères. » Il dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs que tu vois? C'est impossible. C'est impossible. Les deux vont de pair. Les deux vont ensemble. Dieu et son peuple, ça ne peut pas être dissocié. Si j'aime un, j'aime l'autre. Si j'aime pas l'autre, j'aime pas l'autre non plus. Il dit que une façon d'aimer, de montrer ma passion pour le peuple de Dieu, c'est par nos dons. Et le deuxième, au verset 9. Qui veut lire le verset 9 de l'Épître aux Romains, s'il vous plaît? Verset 9. Je ne l'ai pas là. C'est pas là, c'est dans l'autre. Excusez. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, ici, je dirais qu'on a une belle, je parle une place, on a une belle définition de l'amour ici. Quand je pensais, cette semaine, je disais que l'amour soit sans hypocrisie. Il me semble que c'était contradictoire. Un amour hypocrite, c'est-tu un amour? Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. On a-tu une tendance à aimer d'une façon hypocrite, pour qu'ils nous disent ça, que ton amour soit sans hypocrisie, François. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un amour hypocrite. Parce qu'il dit, aime que ton amour soit sans hypocrisie, mais un amour hypocrite, à quoi ça ressemble? T'aimes pour recevoir. OK, tu aimes quelque chose, tu fais quelque chose à quelqu'un pour que tu puisses recevoir en retour. Ouais. Donc, ce n'est pas un amour manipulé, des gestes pour manipuler, des paroles pour manipuler. D'autres choses, d'autres idées? OK. Tu fais semblant qu'il ne t'a rien fait, mais il t'a fait de quoi? C'est un amour hypocrite. Tu fais semblant qu'il n'y a rien, mais il y a de quoi? Combien de fois dans ma vie personnelle et dans la vie des gens que je côtoyais, dans la vie d'Église, j'ai vu de cela, des gens qui se donnent la main, mais pourtant, ça y est, sans mort. Des gens qui s'embrassent le dimanche matin, mais dans la semaine, ils parlent les uns contre les autres. C'est un amour hypocrite. C'est un amour qui n'est pas réel, n'est pas franche. On le fait parce qu'on se sent obligé. On le fait parce qu'on a peur du rejet. Si j'ai dit, il va crier. Si j'ai dit, il ne voudra plus. Si j'ai dit, il ne fera pas ça. On a peur de la personne, donc on ne dit pas un mot. Donc, on continue à faire des gestes, mais l'amour n'est pas là. Le cœur n'est pas là. Jésus a dit une fois aux pharisiens, ce peuple m'honore des... Mais son... Ça veut dire que c'est un amour hypocrite. Il pouvait avoir une belle présence religieuse dans les villes de Jérusalem. Il faisait toutes les actions dans le temple, tous les sacrifices étaient en marche, tout fonctionnait, mais Dieu dit, « Votre amour est hypocrite pour moi. » Son cœur n'était pas là. Donc, l'amour hypocrite, c'est des actes, des gestes, des paroles qu'on dit, mais le cœur n'est pas là. Ce n'est pas une réalité. Donc, l'amour doit être sans hypocrisie. Le mot hypocrite, ça veut dire quoi? Le texte, le mot original, c'est utilisé pour des acteurs. Un acteur de cinéma ou un acteur de théâtre. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est pas lui. Donc, il est un hypocrite, ça veut dire ça. Donc, c'est un gars qui joue un rôle. Donc, aimer... Quand ce n'est pas la réalité qu'il y a dans notre cœur, on est des acteurs. On acte quelque chose. J'ai vu des hommes et des femmes venir me parler, et même dans l'intimité la plus profonde du couple, dans la sexualité, il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie qui joue là. Moi, j'ai parlé à des hommes et des femmes qui ont des relations sexuelles, mais le cœur n'est plus là depuis longtemps. L'hypocrisie. Plus la réalité. On le fait par devoir, on le fait par... Il faut bien. J'ai parlé à ma mère de ça à quelques reprises dans ma vie. C'était quasiment un exploit de Dieu de parler de sexualité avec mes parents. Dans ces années-là, on ne parlait pas de ça, hein, personne ne parlait de ça. Puis elle me contait, elle dit, François, elle dit, pour moi, ça a toujours été un martyr. Hein. Ça a été difficile. Hein. Pourtant, il a eu 16 enfants. 16 enfants. 16. Donc, à quelque part, il a fallu qu'il y en ait au moins 16 fois. Au moins. Hein? Je sais qu'ils n'ont eu plus que ça, mais je dirais ça, au moins 16 fois. Mais elle l'a toujours fait parce qu'elle disait que c'était un devoir, hein? C'était une obligation. C'était pas là. On a besoin d'aller voir si loin. On pourrait parler, on pourrait se rencontrer peut-être dans l'intimité et dire, est-ce que chaque fois que tu l'as fait avec ton conjoint, c'était vraiment l'enthousiasme? Pas sûr qu'on pourrait toujours dire oui. Il dit, l'amour doit pas être hypocrite. Si vous faites de quoi, faites-le de bon cœur. Faites-le pour le vrai. Soyons transparents, soyons honnêtes. Aimons vraiment et non pas par hypocrisie. Il dit, c'est un autre mot qu'il dit pour définir l'amour, il dit, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'amour, Lucie d'ailleurs le dit, l'amour c'est de mettre en pratique les commandements de Dieu. L'amour, ce n'est pas des fleurs, ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça. Dans ma tête à moi. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans ces gens faire l'autre, n'est-ce pas? Oui, hein? Il y a des gens qui sont dans des pays en voie de développement, sont très pauvres, puis ils peuvent s'aimer sans ça. L'amour, c'est une sainte horreur du mal et un amour ou un désir profond du bien. Si je te conte une menterie, c'est mal. Je ne t'aime pas quand je fais ça. Si je te dis la vérité, qu'elle soit plaisante ou pas, je te fais du bien. Et ça, c'est de l'amour. Si je te dis comment je me sens dans certaines situations, je te le dis avec patience, avec compréhension, avec humilité, je t'aime en te le disant, même si ça fait mal de l'entendre. Et si tu me le dis aussi, c'est de l'amour. L'amour, la Bible nous dit que vaut mieux un amour, vaut mieux une parole dite qu'un amour caché. Ça veut dire, en voulant dire, t'es mieux de me le dire que de faire semblant de, que c'est pas là. La vérité, l'amour, c'est, elle dit. Moi, vous savez, vous savez que je me sens aimé de Dieu? Il m'a dit mes vérités à pleine face. Il m'a dit mes quatre vérités à pleine face. Il me l'a dit tel qu'il me voyait, tel qu'il me percevait. Si vous sortez toutes les paroles que Dieu dit sur moi dans la Bible, comment est-ce qu'il me perçoit, lui, en tant qu'être humain, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Ça, c'est la vérité. Et les paroles qu'ils ont employées, si je les dis à un autre être humain, il ne se sent pas automatiquement aimé la plupart du temps. Parce qu'on ne veut pas les entendre. On ne veut pas les entendre. Dieu dit, moi, je vais t'aimer, mais avec le bien. Avec le bien. Aimer quelqu'un, c'est de faire, si vous prenez les 10 commandements de Dieu, et si vous les faites pour la personne, vous pourriez dire, je l'aime à la perfection. Vous n'aurez peut-être pas une scène dans votre portefeuille, vous n'aurez pas rien, dans votre, pas de maison, vous n'aurez rien de ça, mais vous pourriez dire, je l'aime à la perfection, parce que j'ai mis en pratique les 10 commandements de Dieu. Si je fais ça, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes voisins. L'amour, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. On a une très mauvaise compréhension de ce que c'est l'amour. Dans notre tête, l'amour, c'est autre chose. C'est un feeling, c'est un sentiment, c'est je me sens... Non, non, si je mets en pratique la parole de Dieu à ton égard, je t'aime. Le restant, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est mondain, c'est ce qui se passe dans la société. Je ne dis pas que c'est mal automatiquement. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Au verset 10, il dit, « Soyez pleins d'affection réciproque. » L'amour, c'est de l'affection pour l'autre. Au verset 10, c'est marqué aussi, « Soyez prévenants pour les autres. » Comment est-ce que vous voyez ça, le mot « prévenant » Quelqu'un qui est prévenant? Le mot « prévenant » veut dire « pré », veut dire « avant », hein? C'est de voir avant les besoins. Aller au-devant de la personne. On n'attend pas qu'elle le demande. On va au-devant. Et c'est pour ça que ça m'aide à comprendre quand Dieu m'aime. Dieu m'aime à 100%, parfaitement. Il est toujours au-devant de mes besoins. Toujours. Des fois, on pense qu'il va être là, si seulement si on prie assez longtemps, il va rencontrer mes besoins finalement. Dieu est toujours au-devant de moi. Toujours. Moi, je ne le comprends pas toujours, je ne l'accepte pas toujours, je ne le vois pas toujours. Mais lui est toujours au-devant de moi. Il a fait les premiers pas. Nous l'aimons parce qu'il a pris les devants. Hein? On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Il a pris les devants. Il a pris les devants avec nous autres. Parce qu'il n'avait pas pris les devants, il n'y en aura pas. Il n'y aura rien. On n'aura pas de relation avec lui. On n'aura aucune relation avec lui. Parce qu'il a pris les devants, il a fait les premiers pas. Combien de fois avec ma femme, je suis assis dans le salon. J'attends qu'elle prenne les devants. C'est de sa faute après tout. C'est elle qui a commencé. Et j'attends, je prends les devants. Ah ouais, bouge, fais quelque chose. Je ne veux pas prendre les devants. Ça montre comment je l'aime. Hein? L'amour n'est pas grand, l'amour. L'amour de Dieu est grand pour nous autres. Notre amour est très petit. frère tout de suite. On prend-tu les devants? C'est, l'amour prend les devants. Elle va au-devant de l'autre pour rencontrer ses besoins. Elle va au-devant de l'autre pour s'excuser. Elle va au-devant de l'autre pour demander pardon. Elle va, elle attend pas, elle va, elle prend les devants tout le temps. Et on ne prend pas les devants quand l'autre le mérite. On prend les devants tout le temps. Est-ce que Dieu a pris les devants parce qu'on le méritait? Du tout. Du tout. Attendons pas que les gens méritent. Prenons les devants. L'apôtre Paul dit, quoi que votre amour soit sans hypocrisie, faites le bien. Ayez en horreur le mal. Soyez plein d'affection, plein de tendresse, plein de prévenance les uns pour les autres. Plein de prévenance. Je vous encourage à faire quelque chose. Prenez votre Bible et prenez 1 Corinthiens, chapitre 13, ou ce qu'on appelle la définition de l'amour. C'est là que c'est 1 Corinthiens 13. On le chante quasiment dans tous les mariages. On le met partout. Je vous encourage à faire une chose. Prenez une feuille, écrivez-la dessus. Ou faites-vous une photocopie de la Bible si vous êtes trop paresseux pour le faire. Ou si vous avez un ordinateur comme moi, mais je fais clic, ça va sortir sur une page. Et là, prenez-le, 8,5 par 11, et je voudrais que vous l'accrochiez à une place où que vous le voyez souvent. Lisez-le, jour après jour. Moi, je l'ai mis dans mon bureau, juste que je suis assis en face. Vous avez compris? Pour me rappeler que Dieu m'aime de cette manière-là, moi. Parce que mon grand défi, ce n'est pas d'aimer ma femme. Mon grand défi, c'est de me sentir aimé par Dieu. Et quand je me sens aimé par Dieu, j'aime un peu plus ma femme et mes enfants. Je vous encourage, écrivez ça. Mettez-les sur le mur quelque part. Lisez-les. Puis dites, Dieu m'aime de cet amour-là. Dieu m'aime de cet amour-là à moi. Moi, François, il m'aime comme ça. Notre Père du ciel, nous savons que tu nous aimes à la perfection. Tu nous aimes. On ne peut pas le dire comment tu nous aimes. À moins que de le dire, tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort pour nous. Tu es devenu péché pour nous. Tu es allé à la croix pour nous. Tu es allé à l'enfer pour nous. Oh, comment tu nous aimes. Aide-nous à comprendre toutes tes compassions afin qu'on soit des passionnés de toi et des passionnés du peuple de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.